والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: والمعضن ساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف. Donc nous sommes arrivés au hadith al-Mudallas. Il nous dit « وَمَا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ » Donc le hadith al-Mudallas, il y a deux sortes, « نَوْعَانِ » الْأَوَّلُ الْإِسْقَاطُ لِلشَّيْخِ وَأَنْ يَنْقُولَ عَنْ مَنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَأَنْ. C'est-à-dire que le narrateur retire de la chaîne de transmission son cheikh et il cite celui qui vient après, c'est-à-dire le cheikh de son cheikh, et il utilise comme moyen de transmission an wa an ou qal par exemple, c'est-à-dire c'est des mots qui ne sont pas explicite dans le fait que la personne a entendu ou pas de son cheikh. C'est pas comme s'il avait dit ani sami'tu ou akhbarani ou hadathani. Il nous dit wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yanarif. La deuxième sorte de tadlis, donc il ne retire pas son cheikh, il le cite, mais il le décrit d'une manière par laquelle il n'est pas connu. C'est-à-dire, par exemple, en le citant par un autre nom que celui par lequel il est connu, ou bien en le décrivant d'une description dont les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. إذن هذا هو الحديث المدلس. الحديث المدلس. والمدلس إني مأخوذ من الدلس أو الدلسة، وهو الظلام والظلمة وعدم الوضوح والظهور. Donc le mudallas dans la langue arabe, ça vient du mot dalas ou bien dulsa, qui veut dire l'obscurité, et lorsqu'une chose n'est pas claire on appelle ça ad-dulsa ou bien ad-dalas. والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد. إخفاء عيب في الإسناد. Donc le tadlis, c'est le fait de cacher un défaut dans la chaîne de transmission. Donc la personne, elle a enlevé son cheikh, elle ne l'a pas cité, et pour ne pas que cela soit visible, il a dit an ou bien ان. فالمؤلف رحمه الله قال التدليس قسمان، وذكر المؤلف رحمه الله يعني أشهر القسمين، وإلا هناك أقسام أخرى للتدليس يذكرها الذين صنفوا في علم الحديث. فالنوع الأول الذي ذكره يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، هذا يسمى بتدليس الإسناد. Donc l'auteur رحمه الله il a cité deux sortes de tadlis. Les sœurs, بارك الله فيكم، un peu de silence. Donc il a cité deux sortes de tadlis. La première sorte, il a dit الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن. C'est ce que l'on appelle tadlis ou al-isnad. Et la deuxième sorte qu'il a citée, on appelle cela tadlis al-shuyukh. Tadlis al-shuyukh. C'est-à-dire lorsqu'il appelle son cheikh d'une autre manière que celle par laquelle il est connu. فالقسم الأول تدليس الإسناد هو أن يسقط الراوي شيخه الذي حدثه بهذا الحديث. يعني رجل اسمه زيد له شيخ اسمه عمر، فهو يسقط عمرا ويذكر شيخ عمرين الذي هو خالد مثلا، فهو يقول زيد يقول عن خالد، والأشد في مسألتنا أن خالدا كذلك من شيوخه، خالد كذلك من شيوخه، فمثلا هو أن يروي عن الشيخ ويروي كذلك أحاديث أخرى عن شيخ شيخه، فهو يأتي ويسقط عمرا ويذكر خالدا. فمثلا عندنا ابن جريج، ابن جريج شيخه هشام ابن عروة، فهو يعني شيخه وسمع منه أحاديث كثيرة، ولكن هناك حديث لم يسمعه من هشام، إنما سمعه من شخص آخر عن هشام، فهو يأتي ويسقط هذه الوسيطة، فيسقط الوسيطة، هذا هو تدليس الإسناد، ويقول عن هشام أو أن هشاما قال. Donc, تدليس الإسناد c'est le fait que la personne donc il est un professeur, un cheikh de qui il a pris beaucoup de hadiths. Par exemple, un homme qui s'appelle Zayd, il a un cheikh qui s'appelle Khalid, par exemple. Et il a rapporté de lui beaucoup de hadiths. Sauf que sur un hadith, par exemple, il l'a pris avec un intermédiaire. Il l'a pris, par exemple, de Amr, et ce Amr, il l'a pris de Khalid. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Zayd, il enlève Amr et il dit « An Khalid ». C'est son cheikh. Mathalan, je vais vous donner un exemple très simple. Admettons que donc vous suivez avec moi les cours de l'Biqouniya. Donc les frères, ils sont présents. Un jour, il y en a, il est absent. Il demande par exemple, Abdelatif, il est absent. Ensuite, il va voir Idriss. Il lui dit, qu'est-ce qu'il a dit Reda dans le cours. Et lui, il explique le cours. Ensuite, Abdelatif, lorsqu'on va lui poser une question sur le Biqouniya, il ne va pas dire Idriss m'a dit, Reda m'a dit. D'accord ? Il va venir direct, il va dire Ani qala Reda ou bien An Reda. Donc il va enlever l'intermédiaire qu'il y a entre lui et son cheikh. Donc par exemple, Zayd rapporte de Khalid beaucoup de hadiths, sauf qu'un hadith par exemple, il ne l'a pas entendu de lui. Il a entendu de Amr An Khalid. Et donc il retire Amr. Et ça, c'est ce que l'on appelle donc Tadlis al-Isnad. Tadlis al-Isnad. والمدلس الذي يعني عرف بهذا النوع من التدليس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح به بالسماع، وإلا حديثه لا يقبل. Donc celui qui fait ce type de tadlis, surtout souvent, les savants n'acceptent pas son hadith que les hadiths dans lesquels il a cité donc un mot clair dans le fait qu'il a entendu cette personne. Comme par exemple lorsqu'il dit Samiatou. Samiatou, on ne peut pas penser autre chose que j'ai entendu. Ou bien Haddathani, ou bien Haddathana, ou bien Akhbarani, ou Qalali. Donc là, lorsqu'il dit ces mots-là, les savants, ils acceptent, donc les muhaddithin, ils acceptent sa version. Mais s'il dit an, même si c'est son cheikh, il n'accepte pas. Donc il recherche à ce moment-là, dans tous les autres livres, s'il trouve la même chaîne de transmission, le même hadith dans lequel il a dit haddathana. Parce que parfois, il se peut que dans un livre, dans la même chaîne de transmission, mais nous trouvons an ici et haddathana ailleurs. Parce que les gens qui ont cité, qui ont rapporté les hadiths, pour résumer, ils disaient an. C'est pas forcément la parole qu'a dit le muhaddith, mais c'est pour résumer et ne pas perdre de temps dans la narration des hadiths. طيب لماذا الإنسان يسقط شيخه؟ ما هو الهدف؟ Pourquoi faire cela donc؟ نعم. ذكر العلماء بعض الأسباب التي تدفع الراوي إلى تدليس الإسناد. ذكروا من هذه الأسباب القرب من الشيخ. فذكرنا أن المحدثين كانوا يحبون العلو. فكلما قلت رجال الإسناد كلما كان أحب إليهم. Donc les causes pour laquelle certains savants y font un tadlis, certains muhaddithin y faisaient tadlis, premièrement, on avait cité donc al-ulu wa al-nuzul. Et on avait dit que les muhaddithin, ils aimaient énormément al-ulu. Donc moins il y a de narrateurs dans la chaîne de transmission, plus cela était apprécié par eux. Donc s'il peut retirer un intermédiaire entre lui et son cheikh, en plus c'est son cheikh. Donc il le faisait pour cette cause-là, le fait d'être proche dans l'isnad de Sheikh. أحيانا قد يفعل ذلك لأن هذا أن هذه الواسطة ضعيف. قد يكون ضعيفا. Donc peut-être qu'il a fait cela car celui de qui il a pris le hadith est faible. Donc celui de qui il a pris le hadith, il est faible. Ou bien il est inconnu, majhoul. Contrairement à son cheikh. فقد يعاب علي انه يروي عن فلان الضعيف او انه يروي عن فلان المجهول. Car il se peut qu'ensuite on le blâme d'avoir cité d'un hadith d'un tel ou un autre. او قد يكون خائفا على نفسه. فمثلا هذه الواسطه قد يكون مبتدعا مثلا فيقال له أنك درست وطلبت الحديث على رجل مبتدع فهو يفضل أن يسقط هذه الواسطة حتى لا يتهم بذلك. Donc il se peut également que cet intermédiaire soit une personne, par exemple une personne de l'innovation, et donc il ne veut pas qu'on lui reproche cela d'avoir étudié ou bien pris le hadith chez un innovateur, donc il préfère ne pas citer cette personne. Ou أنه يحتقر هذه الواسطة. أن يحتقر هذه الواسطة. أن يصغره. أن لا يريد أن يقال أنك تتلمذت على فلان. فهو يسقطه. Donc également, il se peut que il méprise cette personne de qui il a pris le hadith. Donc il voit que ce n'est pas, par exemple lui, il a un rang immense dans la science, il a pris ce hadith, il est d'une personne qui n'a pas beaucoup de science et ne mémorise pas beaucoup de hadith, donc il préfère retirer cette personne de la chaîne de transmission. وهناك أسباب أخرى. فالعلماء رحمهم الله تتبعوا روايات الرواة وصنفوا هؤلاء الرواة الذين مارسوا التدليس. Donc les savants du hadith, les muhaddithun, ils ont suivi les chaîne de transmission du hadith et ils ont pu voir quel narrateur faisait cela. At-Tadlis. Quel narrateur faisait cela? At-Tadlis. Et donc ils les ont répertoriés et maintenant on peut savoir assez facilement lorsqu'on voit une chaîne de transmission et qu'on prend narrateur par narrateur qui parmi eux faisait donc du tadlis. Illa an al-ulama lam yaj'alu al-mudallisina martabatan wahida. Mais ils n'ont pas mis tous les mudallisins au même niveau. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah lahu kitab ismuhu تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. تعريف أهل التقديس. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. ويعرف هذا الكتاب بطبقات المدلسين. Donc le Hafidh Ibn Hajar il a un livre qui s'appelle تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. Dans lequel justement il nous cite les narrateurs qui faisaient du tadlis. Et il les a classés en 5 catégories. Il les a classés en 5 catégories. Al-Ula, Man lam yusaf bithalika illa nadiran, ka Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc la première catégorie, il a dit que il y a des narrateurs qui ont été décrits comme modalistes, mais ils ont fait ça que très rarement. Au point même que les savants ils savent quel hadith il a fait cela. Donc il n'y a plus besoin de pratiquer sur lui le fait qu'on n'accepte pas son récit, sauf s'il a dit Samiatu ou bien Haddathani. Ça c'est la première catégorie. Thaniya, man ihtamala al-a'immatu tadlisahu wa akhraju lahu fi as-sahih li imamatihi wa qillati tadlisihi fi janbi ma rawa. كالسفيان الثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. La deuxième catégorie, ceux dont les savants ont accepté leur tadlis. Et ils ont même cité leur hadith dans Sahih, Sahihain, dans le Bukhari ou Muslim. Car ce sont des grands imams. Également, leur tadlis est très peu à côté de tout ce qu'ils ont rapporté sans tadlis. Comme Soufyan al-Thawri, rahimahullah. Ou bien que certains, même lorsqu'ils faisaient du tadlis, il a été vu que toutes les personnes qu'ils ont, toutes les intermédiaires qu'ils ont enlevés ne sont que des gens fiables. Comme Soufyan al-Thawri. Donc les muhadithins, ils ont fait un énorme travail pour arriver à ces résultats-là. Donc même s'ils sont décrits comme modellis, les savants, donc ils ont accepté leur hadith. Donc il ne faut pas maintenant, à notre époque, une personne il vient, il prend un hadith le Bukhari, il dit, il est fait, pourquoi il y a un tel modellis ? وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَعْ. Là, tout cela... les riwayat al mudallisin fi sahihain hadi mahmoula ala as-sam'. Donc toutes les riwayat al mudallisin que vous trouverez dans les deux sahih al Bukhari et Muslim sont considérées comme authentiques. Donc c'est justement cette catégorie là que al Hafidh Ibn Hajar a cité dans la deuxième partie. Al-thalitha man akthara min at-tadlis. Man akthara min at-tadlis فَلَمْ يَحْتَجِّ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ إِلَّا بِمَا صَرَّحُوا فِيهِ بِالسَّمَاعِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ حَدِيثَهُمْ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُمْ كَأَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّي. La troisième catégorie, ceux qui ont pratiqué le tadlis énormément. Donc ils l'ont beaucoup fait. مَنْ أَكْثَرَ مِنَ التَّدْلِيسِ. Et donc les a'imma, les savants, ne prennent de leurs hadiths que ce qu'ils ont, que les hadiths dans lesquels ils ont cité clairement qu'ils ont entendu de celui qui est au-dessus de lui, de leur cheikh. Parmi eux, parmi les savants, donc il y en a certains qui ont rejeté tous leurs hadiths, et d'autres qui les ont acceptés, comme Al-Rawi qui s'appelle Abu Zubair Al-Makki, qui rapporte de Jabir ibn Abdillah. Quatrième catégorie, من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. Également, donc la différence entre le troisième et quatrième, c'est que certains ont accepté leur hadith, d'autres l'ont rejeté. La quatrième, eux, ils sont unanimes sur le fait que le hadith n'est pas accepté, sauf ce qu'ils ont donc cité clairement qu'ils avaient entendu de leur cheikh, car ils ont énormément rapporté de hadith à des gens faibles et des gens inconnus comme Baqiyat ibn al-Walid. La cinquième catégorie, man du'ifa bi amrin akhar, siwa at-tadlis. Donc un narrateur qui fait du tadlis, mais également il a été rendu faible par autre chose. D'accord ? Donc même si lui il dit haddathani et kada, lui il est faible à la base. Man du'ifa bi amrin akhar siwa at-tadlis fa hadithuhum mardud wa law sarrahu bis-sam' illa an yuwathaq man kana ضعفه يسيرا كابن لهيعة. Donc son hadith, lui, la cinquième catégorie, n'est pas accepté, car de toute manière il est faible pour une autre raison. C'est clair, tadlis al-isnad. الثاني يقول والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف. Donc la deuxième catégorie, tadlis al-shuyukh. ليس في هذا القسم الثاني إسقاط لأحد. يعني الشيخ مذكور يذكر في الإسناد. ولكن التلميذ سيذكر شيخه بما لا يشتهر به. Donc ici, il n'y a pas de Donc personne ne va être retiré de la chaîne de transmission. L'élève, Tilmiz, va citer son cheikh. Sauf que, il va le citer d'une manière par laquelle il n'est pas connu d'être cité. Mathalan shakhs ismuhu Abdullah. Abdullah ibn Fulan ibn Fulan. والشيخ زيد مثلا فزيد في أحاديث كثيرة يقول حدثني عبد الله بن فلان أخبرني عبد الله بن فلان إلا أن في حديث ما يقول حدثني أبو عبد الرحمن ويكنيته ولكن هو يعني غير شهير بكنيته أو أن هذا الشخص عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن فلان كان أعرج فهو حدثني الأعرج أو كان أعمى حدثني الأعمى أو حدثني شيخي المصري فهو يذكر له أوصافا يعني لم يشتهر بها. Donc par exemple nous avons Zayd qui aurait un cheikh qui s'appellerait Abdullah fils d'un tel. Donc il cite énormément de hadiths de lui. Dans beaucoup de hadiths, il dit « Haddathani Abdullah ibn Fulan » et par exemple, un beau jour, il va dire « Haddathani Abu Abdurrahman » qui est la kunya de son cheikh. Mais il n'est pas connu comme cela. Ou bien, il va dire « Haddathani al-A'ma » l'aveugle m'a cité un hadith. Si par exemple son cheikh, il est aveugle. Ou bien « Al-A'raj » si son cheikh il boit, ou bien haddathani sheikhi al-Masri, c'est son sheikh, c'est la même personne, c'est son même sheikh Abdullah ibn Fulan, sauf qu'il a l'habitude de le citer par son nom et un beau jour il le cite par une chose par laquelle les gens n'ont pas l'habitude de l'entendre décrit. Walihada sumiya ani tadlisan. طيب أذكر لكم مثالا يعني وقع في كتب الحديث. عطية ابن سعد العوفي، هناك راوي اسمه عطية ابن سعد العوفي، أن يتكلم فيه أهل العلم لأسباب كثيرة، منها أنه كان يدلس تدليسا قبيحا وهو من التابعين، عطية ابن سعد العوفي ومن التابعين، وسمع من أبي سعيد الخدري، فهو أحيانا يقول أني قال أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شيخ آخر، ولو شيوخ يعني آخرون، من شيوخه رجل اسمه محمد ابن سائب الكلبي، وهو كذاب، اسمه محمد ابن سائب الكلبي وهو راو كذاب، والكذاب هو الذي يروي الأحاديث الموضوعة. ومحمد بن سعيد بن سائب الكلبي هذا كنيته أبو هشام، كنيته أبو هشام، ولكن له ابن آخر اسمه سعيد، له ابن آخر اسمه سعيد. فيأتي عطية ابن سعد العوفي فيقول حدثني أبو سعيد، حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. طيب هو يقول حدثني أبو سعيد، هو سمع من أبو سعيد، لماذا لا يقول أني سمعت رسول الله؟ لأن هنا هو محمد بن سائب الكلبي، فهو لا يريد أن يكذب، يقول حدثني أبو سعيد، وليس أبو سعيد الخدري، هو محمد بن سائب الكلبي، ولا يقول سمعت رسول الله، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني حتى لا يتهم يعني بالكذب. دونك parmi les formes les plus graves de tadlis al-shuyukh, nous avons un homme qui s'appelle Atiya ibn Sa'd al-Awfi, qui fait partie des élèves de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Parmi les choses que faisait cet homme, il faisait un tadlis très grave. Donc souvent, il entendait des hadiths de Abu Sa'id al-Khudri. Donc il disait « Haddathani Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulallah sallam qal ou samiatu Rasulallah sallam yaqul » Sauf qu'il avait d'autres professeurs, d'autres shuyukh. Parmi eux, Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi, qui est kathab, qui est un grand menteur. Donc son hadith, on va le voir à la fin, ce que l'on appelle le hadith al-Mudu', donc le hadith inventé. Donc ce hadith n'est pas accepté. Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi, il est connu par son nom, également par sa kunya qui est Abu Hisham. Sauf qu'il avait un autre enfant qui s'appelle Saïd. Donc, lorsqu'il voulait Atiya ibn Sa'd al-Awfi, donc faire tadlis al-Shuyukh, pour ne pas montrer qu'il avait pris de Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi, il disait Haddathani Abu Sa'id, qui n'est pas Abu Sa'id al-Khudri, mais Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi. Yaqul Haddathani Abu Sa'id anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal. Comme s'il y avait Irsal. Et donc la personne, lorsqu'elle va regarder cela, va penser que le hadith, il a été pris de Abu Sa'id al-Khudri. Donc vu surtout qu'Abu Sa'id al-Khudri fait partie de ses shuyukh. Donc voilà parmi les conséquences graves de tadlis al-shuyukh. كذلك لماذا يعني يصف التلميذ شيخه بما لا ينعرف؟ كما ذكرنا اسبابا لتدليس الاسناد، نذكر الان اسبابا لتدليس الشيوخ. اولا اخفاء ضعف الشيخ، فانا اصفه باسم اخر يعني حتى لا يعرف الناس اني اروي عن الضعفاء. Donc comme on a cité tout à l'heure des causes pour tadlis al-isnad, nous allons citer quelques causes pour tadlis al-shuyukh. Parmi ces causes, donc je ne veux pas montrer que j'ai pris de tel shirk qui est faible. Donc je vais le citer d'une autre manière. Je vais dire Haddathani Abu Abdillah. Et après, c'est aux gens de chercher qui est cet homme. كذلك أني خوف ديني مثلا أن يكون الشيخ مبتدعا فهنا أصفه بما لا ينعرف بما لم يشتهر به حتى لا أتهم بأخذ الحديث عن أهل البدع. Donc pareil, si je crains, la personne craint d'être accusée de prendre le hadith, par exemple, d'une personne de l'innovation. Donc, il le cite d'une autre manière afin de ne pas être accusé de cela. كما قلنا سابقا الاحتقار لا يريد أن يقال أنك تتلمذت على فلان. Donc pareil, le mépris. Il ne veut pas que l'on dise de lui tu as pris d'un tel. Donc il le cite d'une manière par laquelle il n'est pas connu. رابعا التكثر. التكثر كان الإنسان إذا أخبر عن شيخ واحد مثلا بأنواع كثيرة أو بأوصاف كثيرة قد يظن ظن أن لهذا التلميذ شيوخا كثيرين. فأنا أقول حدثني المغربي حدثني الأعرج حدثني الأعمى حدثني أبو عبد الله حدثني محمد قد يقول هذا له شيوخ كثيرة وهو شخص واحد في الحقيقة. Donc également il se peut que la personne veuille montrer qu'elle a beaucoup de شيوخ, il a beaucoup de professeurs. Donc il dit حدثني المغربي حدثني الأعرج الأعمى أبو عبد الله etc etc. On pense que tous ces gens-là sont des personnes différentes alors qu'en réalité c'est une seule et même personne. ولكن أن ليس كل من دلس تدليس الشيوخ يكون فعله مذموما فقد يكون يفعل ذلك الإنسان يعني حتى ينوع في الرواية. Donc ce n'est pas toute personne qui fait tadlis al-shuyukh qui est blâmable. Donc ça c'est présent dans beaucoup de livres. Vous trouverez que parfois les gens ils appellent même les compagnons, ils vont dire Abdullah ibn Saoud, parfois ils vont dire Abu Abdurrahman, et cela n'est pas considéré comme tadlis al-shuyukh. Parfois ils veulent donc changer dans la manière de citer. Même les compagnons radiyallahu anhum, lorsque un compagnon il vient, il dit من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طيب, on va dire, ويدلس. Beaucoup de gens, les musulmans, combien de musulmans الآن ne savent pas qui est Abu al-Qasim. Là, cela ne fait pas partie de tadlis. Parfois, c'est pour changer la manière donc de citer le hadith. الخطيب البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 63 و400 يعني صاحب الكتب الكثيرة ويروي يروي في كتبه بالأسانيد وله شيخ اسمه الأزهري وله شيخ اسمه الأزهري يروي عنه يعني كثيرا فيقول حدثني الأزهري حدثني الأزهري حدثني الأزهري وفي حديث ما يقول حدثني أبو بكر وهو نفس الشخص وهو نفس الشخص هو من باب التنويع. Donc parfois comme on a dit il veut juste changer la manière de citer le hadith. Donc, comme on a vu, les compagnons, parfois, ils disent « Ani haddathani Abu al-Qasim »« Man fa'ala hadha faqad asa Abu al-Qasim » Ils appellent le prophète Assalam Abu al-Qasim. Il y en a qui vont appeler Abu Bakr, ils vont « Ibn Abi Quhafa »« Abdullah ibn Saoud »« Abdullah » ou bien « Abu Abdurrahman » etc. etc. Et cela n'est pas considéré comme « Tadlis ». Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, décédé en 463 de l'Hégire, il a énormément de livres dans le hadith. Et les hadiths ou bien l'athar qui rapportent des tabi'in, etc., il les rapporte avec sa chaîne de transmission. Et il a un cheikh de qui il rapporte beaucoup qui s'appelle Al-Azhari. Donc souvent vous verrez Haddathani Al-Azhari dans beaucoup de hadiths. Et parfois il vient et dit Haddathani Abu Bakr. C'est la même personne. C'est juste pour changer la manière donc de citer le hadith. وهناك أنواع أخرى للتدليس منها تدليس التسوية وتدليس القطع وتدليس البلدان وتدليس السكوت ولم يذكرها المصنف رحمه الله فذكرنا يعني أهم النوعين يعني donc on a cité les deux plus importantes catégories de tadlis tadlis al-isnad et tadlis al-shuyukh donc il y a d'autres sortes il y a tadlis al-taswiya tadlis al-qata' tadlis al-sukut tadlis al-buldan donc tout ça ont été cités également comme des sortes de tadlis mais sont moins connus que les deux que nous venons de citer. Donc celui qui veut connaître ces autres sortes, donc ils sont présents dans les livres de la science du hadith. ثم يقول وما يخالف ثقة فيه وما يخالف ثقة به الملا فشاذ والمقلوب قسمان تلا. Donc ensuite nous avons le hadith الشاذ. يقول وما يخالف ثقة به الملا فشاذ. Donc il nous dit que As-Siqa, le narrateur qui est fiable, donc qui a réuni entre Al-Adala ou Al-Dabt, lorsqu'il cite un hadith qui est contraire à ce qu'ont rapporté les gens, c'est-à-dire un grand groupe de siqat. Donc nous avons un groupe, par exemple, un sheikh, qui a, on va dire, 11 élèves. 10 rapportent, ils sont tous thiqa, tous ces élèves sont thiqa. 10 rapportent le hadith d'une manière, et un seul le rapporte d'une manière différente. Donc c'est ce que l'on appelle « وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ بِهِ الْمَلَى » الْمَلَى يعني الْجَمَعَ. Donc lorsque thiqa يُخَالِفُ الْجَمَعَ والشاز. C'est ce que l'on appelle « الْحَدِيث الشاز » Lorsque donc une personne fiable cite un hadith d'une manière non conforme à ce qu'ont rapporté un grand groupe de thiqat. فالشاذ لابد أن تكون هناك مخالفة وأن تكون هذه المخالفة صادرة عن ثقة. Donc il faut qu'il y ait une contradiction et il faut que cette contradiction soit faite par une personne fiable. Donc c'est ce que l'on appelle الحديث الشاذ. الشاذ قد ذكرناه في أول درس أو ثاني درس عندما ذكرنا شروط الحديث الصحيح قلنا أن لا يكون شاذا ولا معللا. Donc on avait cité الشاذ lorsqu'on avait cité les conditions du hadith authentique. On avait dit il ne faut pas qu'il soit شاذ ou bien معل. Donc الشاذ on avait expliqué que c'était le fait de la personne soit ثقة et aille à l'encontre ou bien soit, rapporte un hadith contraire à ce qu'ont rapporté un grand nombre de thiqat, de gens fiables comme lui. والشذوذ إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. الشذوذ في الإسناد مثلا يخالف الثقة الناس في إسناد حديث ما. فمثلا الثقات قد رووا هذا الحديث مرسلا وهو يرويه موصولا أو الثقات قد رووا هذا الحديث موقوفا على صحابي وهو ينفرد ويرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشذوذ في الإسناد. Donc le shuzuz, soit ça peut être dans la chaîne de transmission, soit dans le hadith. Donc la chaîne de transmission, par exemple, nous avons un groupe de thiqat qui ont rapporté un hadith et ils l'ont tous rapporté mursel. Par exemple, du tabi'i, ça passe direct au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un thiqat, il vient et il rapporte le même hadith, sauf que lui, il cite quelqu'un entre eux, التابعي, il cite le compagnon. Il cite le compagnon, c'est ce qu'on appelle الشذوذ في الإسناد. Donc les savants, en général, ce n'est pas une règle absolue, ils vont donner raison au grand groupe. Ils vont donner raison au grand groupe et pas à une personne qui a cité cela tout seul. Ou bien le hadith, par exemple, il y a un grand groupe qui vient et qui cite le hadith, il dit, ça c'est la parole de Ibn Abbas, par exemple. Il y en a un, il vient, il dit, un Ibn Abbas, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour lui, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En général, les savants, ils vont donner raison au grand groupe également. Et donc, la version qu'aura cité l'homme seul, le thiqa qui est seul, sera considérée comme chaise. Et c'est ce que l'on appelle al-shuzuz fi al-isnad. كذلك من الشذوذ في الإسناد يعني أن يستبدل الراوي يعني راويا براوي قد يكون هذا الشاذ أو مقلوب مثلا الجماعة جماعة الثقات يقول عند هذا الحديث يعني يرويه ابن عباس فيأتي واحد ويقول هذا الحديث يرويه أبو هريرة وهذا لا يضر ولكن المحفوظ يكون عن عبد الله بن عباس. Donc également, il se peut que la personne change un narrateur par un autre. Par exemple, le grand groupe de Thiqat, il nous dit, ce hadith, c'est le hadith de Ibn Abbas. Ils sont 20, par exemple, à nous dire, c'est le hadith d'Ibn Abbas. Il y en a un, il vient, il nous dit, non, c'est Abu Huraira qui a rapporté ce hadith. Ça également, ça peut être considéré comme shadh. Wa in kana, changer un compagnon par un autre n'a aucun impact sur l'authenticité du hadith. Donc ça peut être au niveau des compagnons, ça peut être au niveau des tabi'in, ça peut être à un autre niveau. الشاذ في المتن هو أن تذكر الجماعة من الثقات الحديث بلفظ ما فيأتي ثقة وينفرد بزيادة مثلا يعني الكل ما ذكروا هذه الزيادة إلا هو والكل أخذوا من شيخ واحد فمثلا في البخاري عندنا حديث جابر بن عبد الله في الدعاء بعد الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من قال ذلك وجبت له شفاعتي يوم القيامة. هذا كذا في البخاري. Donc dans le Bukhari nous avons un hadith de Jabir ibn Abdullah, celui qui entend l'adhan et dit la même chose qu'a dit ou bien qu'a dit le muazzin, ensuite dit Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Il dit celui qui dit cela wajabat lahu shafa'ati yawm al-qiyama. Donc il méritera mon intercession yawm al-qiyama. Hadha al-hadith, donc c'est comme ça que la version est dans al-Bukhari. هذا الحديث يعني يروي الإمام البخاري عن علي ابن عياش وتلاميذ علي ابن عياش كلهم رووا بهذا اللفظ وجاء الإمام البياقي رحمه الله في سننه الكبرى فذكر الحديث عن محمد بن عوف الطائي محمد بن عوف الطائي وزاد في نهاية الحديث إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد عشرة من تلاميذ علي بن عياش يعني رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة فجاء محمد بن عوف الطائي فزاد إنك لا تخلف الميعاد فحكم المحدثون على هذه الزيادة بالشذوذ. Donc dans Sunan al-Bayhaqi, le même hadith est cité. Donc ce hadith, l'imam Bukhari le rapporte de Ali ibn Ayyash, donc son cheikh. Et tous les élèves à Ali ibn Ayyash, ils ont rapporté ce hadith, donc de la manière qu'on a cité dans Sahih al-Bukhari. Al-Bayhaqi, donc qui est venu bien après al-Bukhari, nous cite le même hadith, cette fois-ci, du chemin, pas du chemin de Bukhari, mais du chemin de Muhammad ibn Auf al-Ta'i. Et à la fin du hadith, nous avons « Innaka la tukhliful mi'at ». Donc 10 élèves parmi les élèves à Ali ibn Ayyash n'ont pas cité cette phrase. Et ils se sont contentés de dire « Waba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'atta » et « Muhammad ibn Auf al-Ta'i » dans sa version, il y a cet ajout. Donc les savants ont statué que cette phrase n'était pas authentique, mais « shadha ». C'est clair ou pas ? وهناك أنا حديث أخرى يذكر العلماء نشاذ ذاك مثلا تحريك الإصبع في التشهد كذلك يعني يقولون أن الجماعة من الثقات يعني رووا بدون هذه الزيادة رووا بدون الزيادة وهناك أمثلة أخرى وقد يكون الشذوذ بين حديثين يعني متعارضين également الشذوذ il peut avoir lieu entre deux hadiths donc là au début on a cité entre c'est le même hadith. Il se peut que chose ait lieu entre deux hadiths. Donc deux hadiths qui sont en contradiction. Donc on ne peut pas les réunir. Et un des deux hadiths est plus authentique que l'autre. Par exemple, on avait cité l'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith d'Abu Huraira, dans le Bukhari ou Muslim, la taqaddamu Ramadan bi siyami yawmin wa la yawmin illa rajulun kana yasum sawman falyasumhu. Donc le prophète dit ne faites pas précéder Ramadan par un ou deux jours de jeûne sauf un homme qui a l'habitude de jeûner qu'il les jeûne. Sunan Abi Daoud, nous avons Al-Ala ibn Abd al-Rahman an Abi Huraira an Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc lorsque la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas. Donc il y a contradiction entre les deux hadiths. Dans le premier hadith, le prophète sallam nous dit de ne pas faire précéder Ramadan d'un ou deux jours. Et dans le second, donc on peut comprendre que tout ce qui est en plus que cela est permis. Et dans l'autre hadith, il nous dit que lorsque la moitié de Sha'ban arrive, cessez de jeûner. Donc, certains savants ont dit que ce hadith, le deuxième, est chaise. Est chaise, car le premier donc, est plus authentique et contradictoire avec donc, ce deuxième hadith. الشاذ يقابله المحفوظ فأنت إذا حكمت على حديث ما بشذوذ لابد أن يكون له مقابلا أو مقابلا يعني لا تحكم بالشذوذ على شيء يعني ليس له مقابل أنت ما حكمت له بالشذوذ إلا أنه حصلت مخالفة فالرواية المخالفة تسمى بالشاذة والأخرى تسمى بالمحفوظة. Donc le chouzouze, lorsqu'on statue d'un hadith qui est chaise, forcément nous avons à l'opposer un autre hadith. On ne peut pas, que ce soit fil isnad, on a adal isnad, donc c'est celui qu'on va accepter. Ce texte, c'est celui que l'on va accepter également. Donc le texte qui est à l'opposé du chaise, on appelle cela al-mahfouz. On appelle cela al-mahfouz. C'est clair le chaise. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. Donc ensuite nous avons le hadith al-maqloub. Il nous dit al-maqloub qismain. Donc il y a deux sortes de maqloub. إبدال راو ma birawin qismo. Donc la première catégorie, le fait de changer un narrateur par un autre. وقلب إسناد لمتن قسمه. Également le fait de d'interchanger une chaîne de transmission avec un hadith. Par exemple, nous avons deux hadiths. Chacun a sa chaîne de transmission. Je mets la première chaîne de transmission sur le second et la seconde sur la première. وَقَلْبُ إِسْنَادٍ لِمَتْنٍ قِسْمُ. Donc ça, c'est la deuxième partie. إِذَنْ هَدَوَ الْحَدِيثِ الْمَقْلُوبِ. فَالْقِسْمُ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفِ إِبْدَالُ رَاوِنْ مَا بِرَاوِنْ قِسْمُ. إِبْدَالُ رَاوِنْ بِرَاوِنْ آخَرِ. Donc la première partie du hadith maqloub, c'est le fait de changer un narrateur par un autre. فمثلا عندنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأنا أجي وأقول عن الزهري عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة. Donc je change Abu Salama par Abu Sa'id al-Khudri, par Sa'id ibn Musayyib. مثلا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فأنا أقول عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. Donc changer un narrateur par un autre. Donc nous avons par exemple الزهري qui rapporte de Abu Salama, de Abu Huraira, et un narrateur vient et dit الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. Donc ça, c'est ce que l'on appelle مقلوب في الإسناد. أو مثلا كذلك من هذا النوع أن إبدال اسم الراوي. فمثلا يعني يكون الراوي اسمه سعد ابن سنان. سعد ابن سنان فيأتي أحد فيقول سنان ابن سعد. فيقدم ويؤخر في الاسم. Donc également parmi également ce type de hadith, par exemple le fait de se tromper dans le nom du narrateur. Par exemple, il s'appelle Sa'd ibn Sinan et un va venir et va dire Sinan ibn Sa'd. Donc il va citer le nom du père avant le nom du fils. كذلك أن يذكره بكنيته. مثلا هذا الراوي اسمه أو كنيته أبو سنان. فهو يأتي ويحذف يعني أبا. فيقول حدثني أبو سنان أو حدثني سنان. Donc au lieu de citer la kunya, donc par exemple la kunya du cheikh qui s'appelle Abu Sinan, il vient et il dit حدثني سنان. Donc on va penser que c'est quelqu'un d'autre. أو أن يقلب بين الشيخ وتلميذه. فمثلا المعروف هو عن الزهري عن أبي سلمة. فيأتي راوي فيقول عن أبي سلمة عن الزهري. Par exemple, quelqu'un se trompe et inverse le cheikh avec son élève. Par exemple, comme on le cite à plusieurs reprises, ce qui est connu, c'est Az-Zuhri an Abi Salama. Et un, par erreur, il va dire An Abi Salamata an Az-Zuhri. Donc il va intervertir l'ordre de la chaîne de transmission. Hada huwa al-qalb fi al-isnad. القسم الثاني ويقول وقلب إسناد لمتن قسم. Donc la deuxième sorte c'est donc قلب المتن ou bien قلب نعم قلب الإسناد لمتن. Donc ça c'est ce que l'on appelle قلب المتن. Donc c'est la deuxième catégorie. فمثلا من الأسانيد المعروفة عند أهل الحديث عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي. عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده. هذه سلسلة معروفة وهي حسنة. وهناك سلسلة أخرى عن باز بن حكيم عن أبي عن جده. فالإنسان يخلط بينهما. فمثلا عندنا عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. فيأتي أحد الرواة ويخطئ ويقول عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. Donc le fait de changer une chaîne de transmission et de la mettre à une autre. Par exemple, nous avons une chaîne de transmission connue qui est de Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddihi. Donc on va citer également à la fin du livre Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddihi. Donc Amr ibn Shu'aib rapporte de son père et son père rapporte de son grand-père. Ce n'est pas le grand-père de Amr ibn Shu'aib. Non. Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddihi. Jaddihi, ce n'est pas le grand-père de Amr. Non, c'est le grand-père de son père. Et donc, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc, ça, c'est une chaîne connue. An Amr ibn Shu'aib, an Abi an Jaddihi. Et il y a une autre chaîne connue également qui est An Bahz ibn Hakim, an Abi an Jaddihi. Donc, un muhaddith, il vient et il se trompe entre les deux. Il va citer celle-ci sur l'autre. Donc, il va mettre à la fin une chaîne de transmission qui n'est pas celle du hadith. Donc ça également, c'est considéré comme qalb. Et le hadith sera considéré comme maqloub. كذلك من الحديث المقلوب أن يتم أو أن أن أن يقع قلب في المتن. يعني بتقديم وتأخير. الكل منكم يعرف حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هكذا في الصحيحين وهناك رواية في مسلم تقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والعلماء حكموا على هذه الرواية بالقلب يعني أحد الرواة قلب اليمين والشمال. Donc également, parmi les sortes de hadith maqloub, le fait donc qu'il y ait dans le hadith une phrase qui a été changée. Par exemple, tout le monde connaît le hadith des sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama. Et parmi eux, donc, il y a un homme qui a fait une sadaqa de manière discrète, de manière tellement discrète que sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné sa main droite. Donc comme ça, cela est rapporté dans Al-Bukhari. Dans Muslim également l'a rapporté dans Al-Bukhari au Muslim. Muslim, il a une autre version qui dit il a fait cette sadaqa tellement discrètement que sa main droite ne sait pas ce qu'a donné sa main gauche. Et donc les savants ont statué que cette version était maqlouba. كذلك العلماء رحمهم الله عندما يذكرون الحديث المقلوب يذكرون قصة الإمام البخاري مع محدث مدينة بغداد. Également, les savants, lorsqu'ils citent donc le hadith maqloub, ils citent le récit qui est arrivé à l'imam al-Bukhari avec les muhaddithin de la ville de Baghdad en Irak. وهذه الواقعة أن يرويها الإمام ابن عدي في كتابه الكامل يقول قال أبو محمد ابن عدي الجرجاني رحمه الله الحافظ سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل منهم 10 أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرف لا أعرفه فسأل عن آخر فقال البخاري لا أعرفه ثم سأل عن آخر فقال لا أعرفه فما زال يلقي بمثله واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه فكان الفهماء يعني أصحاب الفهم ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهمنا ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فسأل عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه ثم انتدب الثالث إليه والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ والعلم وأذعنوا له بالفضل. Donc également on va citer donc le récit de Al-Bukhari qui est cité dans le livre Al-Kamil de Ibn Adi rahimahullah. Donc il nous dit que certains de mes shuyukh rapportent que Al-Bukhari un jour est venu à Bagdad. Et donc les gens du hadith ont entendu que Al-Bukhari allait venir à Bagdad. Donc ils se sont réunis et ont pris 100 hadiths. Et ils ont inversé les chaînes de transmission avec les textes, avec les hadiths. Donc ils ont pris les chaînes de transmission et les ont mélangées avec les hadiths, de sorte que les hadiths ne soient plus avec leur chaîne de transmission originelle. Et ils ont dit, on va ramener 10 muhaddiths. Et chacun donc va venir voir Al-Bukhari et va lui citer donc 10 hadiths avec des chaînes de transmission qui ne sont pas les leurs, afin de tester Al-Bukhari. Et pour justement voir si sa réputation est aussi vraie que ce que l'on rapporte. Donc donc ils se sont tous réunis, ils ont fait une assise avec Al-Bukhari, a assisté cette assise donc beaucoup de gens. Donc lorsque l'assise donc prit place, le premier homme s'est avancé devant Al-Bukhari et lui a dit donc connais-tu ce hadith? Il a cité le hadith, la chaîne de transmission. Al-Bukhari, je dis je ne connais pas ce hadith. Il a cité le second, il a dit je ne connais pas le hadith. Le troisième, je ne connais pas le hadith. Jusqu'à ce qu'il cite les 10 hadiths, Al-Bukhari disait je ne connais pas ce hadith. Sauf que les gens futés, parmi les gens qui ont assisté à l'assise, ils ont dit Al-Bukhari, il a compris. Il a compris donc le stratagème de ces gens-là. Et les gens qui étaient un peu moins futés, ils ont dit Al-Bukhari est en réalité incapable et sa réputation n'est qu'un mensonge. Donc ensuite, le deuxième homme est arrivé, a cité également le premier hadith. Al-Bukhari a dit je ne connais pas. Le deuxième, je ne connais pas. Le troisième, jusqu'au dixième, je ne connais pas. Ensuite est venu le troisième, le quatrième, jusqu'au dixième homme. Et chacun a cité ces hadiths. Et Al-Bukhari, donc sur les 100 hadiths, à chaque fois, il a dit la arifu, je ne connais pas ce hadith. Lorsque donc Al-Bukhari comprit que donc les 10 s'étaient passés, il s'est tourné vers le premier en lui disant quant au hadith que tu m'as cité, telle chose jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il a dit c'est en réalité un tel, et le hadith est ainsi. Et le second hadith que tu m'as cité, en réalité, c'est un tel. Et donc, il a remis chaque hadith à sa place, avec sa chaîne de transmission. Et ceci pour les 100 hadiths, en les ayant entendus une seule fois. À ce moment-là, les gens donc ont approuvé et accepté et reconnu la forte mémorisation et la science de l'imam al-Bukhari. Et donc, ils ont compris donc la valeur de cet imam. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il a cité ce récit dans Hadith Sari, Hadith Sari, c'est l'introduction de Fath al-Bari. L'introduction de Fath al-Bari s'appelle Hadith Sari. Il a cité ce récit, qui est cité par Ibn Adi, il a dit que mon cheikh al-Iraqi, il me disait, le plus étonnant, ce n'est pas qu'il ait réussi à corriger ces gens-là. Car ces hadiths, il les connaissait. Le plus étonnant est qu'également, il a mémorisé leur erreur. C'est-à-dire même lorsqu'ils lui ont cité les 100 hadiths erronés, il les a mémorisés. C'est-à-dire que lorsqu'il les a corrigés, il aura recité leur erreur pour ensuite les corriger. C'est ça le plus étonnant dans ce récit. On actafi bihada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين